Bonsoir, bienvenue au Cirque Aquatique Magique, cette émission qui est dédiée à la bonne musique. Il s'agit d'une secte qui s'appelle les Apôtres de la Bonne Musique, le Triangle Vert Musical. Et ce soir, pourquoi pas, dans notre cirque, un bloc dédié au budget libéral qui a été révélé aujourd'hui. Nous sommes plus pauvres qu'hier. Plus pauvres qu'hier, moins que demain. On va écouter la pièce Money, interprétée par The Old Codger. Vous êtes à CKRL 89.1, voire à Radio Grenouille. Don't want no loving, don't want no kissing, don't want no gal to call me honey. Don't want my name in a hall of fame, I just want a big fat pile of money. Give me that almighty dollar for that lettuce, hear me holler. Give me buckets for the ducats, let me walk around in waller. In Mazuma, El Dinero, wanna be a millionaire. Give me money, money, money, money, money. I want that green ammunition, that's the stuff for which I'm wishing. Fill my closet with deposits, I'm a demon in addition. Give me shekels, give me pesos, let me see their smiling faces. Money, money, money, money, money. I wanna get me a suit that's made out of loot and whistle the wearing of the green. I got that monetary itis, like to be just like King Midas. Want that golden touch, that's what I mean. Give me that old double eagle, want that tender that is legal and financially, substantially, any sum I can inveigle. Wanna live in regal splendor with that loving legal tender. Give me money, money, money, money, money. Hey, Courtney, here comes that Rick's armored truck again. I'm a greenback collector, I'm a paper bill inspector, I'm a savage for that cabbage, man, to me it's golden nectar. Pour that filthy lucre on me, spread those loving germs upon me. Give me money, money, money, money, money. Just let me roll around upon it, stuff those bank rags in my bonnet, any kind. Just so some president has got his picture on it. Let me feel it, let me hold it, let me sit down and hold it. Give me money, money, money. I want a carload of cash, the kind I can stash, a vat full of Vittorio dough. You know your banker never lets it matter whereabouts you get it, that you got it, boy, that's all he wants to know. Give me treasure I can measure, cause that's my idea of pleasure. Give me wampum, gilt, or gitus, let me count it at my leisure. Let me live in legal splendor with that loving legal tender. Give me money, money, money, money, money. And if they ever plant trees e pluribus unum, I wanna be that guy that they send out to prune them. Money, money, money, money, money, money, money. Give me money. I want money. Lots and lots of money. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. On en a marre de vos mesures qui nous refilent la facture. On en a marre de vos mesures qui nous refilent la facture. On en a marre de vos mesures qui nous refilent la facture. On en a marre de vos mesures qui nous refilent la facture. À chaque coin de rue, le travailleur surpris, sur l'affiche se rue, des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses, écrites sur le papier, mais le peuple ne vit pas de messe, alors ça le fait crier. Le gouvernement de Ferry est un système pourri, cette flotte et de Constance sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Le gros ventru congresse, le suffrage universel, vient vous battre la grosse caisse, comme Monsieur Géraudel. Il vous promet tout rose, mais quand il est élu, ça n'est plus la même chose, il vous tourne le cul. Certains énergumènes, débitants de discours, vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours. Moi je suis un homme intègre, moi je suis un érudit,

Et voilà, c'était le bloc consacré au budget. Budget libéral, budget de bourgeois, au service du patronat. Et c'était crié dans vos oreilles à partir du haut-parleur de Marie-Ève, qui était, c'était un enregistrement de l'année dernière. Les budgets se suivent et se ressemblent. C'était au cours d'un événement où on avait brûlé rituellement le budget. Et oui, c'était une excellente idée. Faudrait d'ailleurs se remettre ça. Et on a entendu dans ce bloc les granules qui interprétaient une version tronquée de la pièce intitulée « Avez-vous travaillé? » C'est René Lucier qui lit le rapport d'assurance-emploi. On appelle ça l'assurance-emploi maintenant. On n'appelle plus ça le chômage. Évidemment, le chômage, ça n'existe plus. Et on a entendu aussi, évidemment, « Faut plus de gouvernement » qui était interprété par Marc Augeret. Et on a entendu Money de The Old Codger, qui est une pièce qui est utilisée de temps à autre lors des marathons de WFMU. D'ailleurs, parlant de marathon et de financement, ça va être la radio de CKRL très bientôt, sous le thème CKRL, c'est votre histoire. Et les deux parrains de l'événement sont Mariem et son frère Malik Hussein alias Webster. Alors, ça va être intéressant comme radio-ton. Pour le 40e anniversaire de CKRL. Toujours est-il que dire de plus? La pièce « Faut plus de gouvernement », bon, vous avez compris, c'est une pièce abstentionniste. Alors, le chanteur dit « Au lieu d'aller voter, cassez-leur la margoulette et tu pourras chanter. » Juste avant d'entonner le refrain. C'est une pièce qui date de 1889, écrite par François Brunel. Et dans la chanson, ça parle de plusieurs politiciens tombés dans l'oubli. Jules Ferry, qui est un créateur de l'école laïque, quand même, mais ardent promoteur de la colonisation. Sadi Carnot. Carnot, c'était qui? C'était le président de la République, tout simplement. Il a été assassiné en 1894. Et là, vous voyez venir Carnot assassiné par qui? Eh bien oui, par un anarchiste. Il y avait, c'était à l'époque des lois scélérates. Alors, c'était des lois qui brimaient la liberté individuelle. Alors, il y avait beaucoup d'agitation syndicale et anarchiste à l'époque. Et Sadi Carnot a été blessé par un coup de poignard par un anarchiste italien qui s'appelait Sante Geronimo Caserio. Et ce qui est drôle, c'est qu'il quittait une rencontre organisée par la Chambre de commerce. Et il est sorti de la chambre de commerce et puis il a essayé de s'esquiver en entrant dans une foule. Et c'est là qu'il a été poignardé. Et apparemment que Carnot était particulièrement haï par les anarchistes parce qu'il avait refusé la grâce d'Auguste Vaillant, qui était un autre anarchiste qui avait fait un autre attentat à la Chambre des députés. Et c'est suite à son assassinat, Carnot, qu'il a été adopté la plus marquante des dites lois scélérates qui visaient uniquement les anarchistes, ma foi le gamma du 19e siècle. Et ça interdisait tout type de propagande. Oh là là! Bloc budget. Dirigeons-nous maintenant vers un bloc consacré à la grève étudiante. On a maintenant dépassé le cap des 200 000 étudiants et étudiantes, donc on dépasse maintenant ce qui était le... On s'approche en fait de la plus grande grève étudiante de l'histoire du Québec. Vous êtes au Cirque Aquatique Magique en votre compagnie, François G. Couillard. Pour leurs pauvres qui bolent plus morts que vivants. Mes enfants s'en vont à l'école, le col du gouvernement. Par décision du ministère, terre de l'enseignement. Ils prennent la couleur austère, terre des enterrements. mes petits morts entre deux rives, rives d'hôpitaux blafards. Après dedans le poids des livres, livre le cours du cafard. Padabia da da da da da da da da da. L'instituteur ignare et terne, terne à mes petits morts, enseigneur à ceux qui concernent, cerne le respect de l'or. Ils vont multiplier les poires, poires par le prix du lard. Combien de sang dans la baignoire noire pour faire un dollar? Mes petits morts vont à l'école, l'école triste infiniment, s'incliner devant l'auréole, orle du gouvernement. Plus tard la peur les fera taire, taire, ou mordre selon qu'on rectifiera leur salaire, l'air à leur cri ou non. Ils vont recevoir pour algèbre, gèbre le mépris d'abord, pour devise écraser le faible, faible caresser le fort. Mes petits morts vont à l'école, l'école sans étonnement, célébrer l'amour du pétrole, le troll du gouvernement. Dans leur jeu de mort se dit chaîne, chaîne, en fait d'exutoire, la gaieté des bœufs qu'on entraîne, traîne pour les abattoirs. Je frémis quand je considère d'air qu'un avortement aurait privé d'un militaire, terre le gouvernement. Sur leurs jambes devenues molles, molles incurablement. Mes enfants s'en vont à l'école, l'école du gouvernement. Chaque soir, depuis une semaine, mon voisin de chambre vient lutter avec moi. Je ne le connaissais pas et d'ailleurs je ne lui ai pas encore parlé jusqu'à présent. Nous n'échangeons que quelques exclamations qu'on ne peut pas appeler paroles. Parole. C'est allons-y. Qui ouvre le combat. Canaille. Qui gémit parfois l'un de nous sous l'étreinte de l'autre. Ça y est. Et accompagne un coup inattendu. Ça y est. Cessez signifie la fin. Mais on continue un petit moment à se battre. Le plus souvent, il fait même encore un bond de la porte dans la chambre et me donne un tel coup que je tombe. Puis il me souhaite le bonsoir de chez lui à travers la cloison. Si je voulais renoncer définitivement à mes rapports avec lui, il me faudrait donner congé. Car fermer la porte ne sert à rien. Un jour que j'avais fermé la porte parce que j'avais envie de lire, mon voisin l'a fendu à la hache. Et comme il abandonne difficilement une décision prise, la hache devenait même un danger pour moi. Je sais m'adapter. Comme il vient toujours à heure fixe, facile, j'entreprends un travail facile, fixe, que je puis interrompre sur le champ si c'est nécessaire. Par exemple, je range une armoire, ou bien j'écris quelque chose, ou bien je lis un livre sans intérêt. Je suis bien obligé de m'arranger de cette façon, puisque dès qu'il se montre à la porte, il me faut tout laisser là, fermer sans délai l'armoire, laisser tomber le porte-plume, jeter le livre. Il veut uniquement se battre, rien que cela. Si je me sens fort, je l'excite un peu en commençant par essayer de lui échapper. Je passe sous la table en rampant, je lui jette des chaises dans les jambes, je lui fais des clins d'œil de loin, bien qu'il soit évidemment de mauvais goût de se livrer à de pareilles plaisanteries, qui avec une personne étrangère restent absolument unilatérales. Mais le plus souvent, nos corps se joignent pour la lutte. Je suis visiblement un étudiant qui travaille toute la journée et désire se donner un peu de mouvement en hâte avant d'aller se coucher. Mais il trouve en moi un bon adversaire. Et en dehors d'un revirement de fortune, je suis peut-être le plus fort et le plus habile des deux. Mais c'est lui le plus tenace. Un jour, il a amené une jeune fille. Tandis que je la salue sans faire attention à lui, il bondit sur moi et m'arrache du sol. Je proteste ! Criai-je en levant les bras. Tais-toi, me dit-il tout bas à l'oreille. Tais-toi. Je voyais qu'il voulait vaincre à tout prix pour briller devant la jeune fille. Fût-ce grâce à des coups honteux. Tais-toi. Il m'a dit tais-toi. Mais criai-je donc, la tête tournée vers la jeune fille. Il m'a dit tais-toi. Oh, l'ignoble personnage. Gémit l'homme à voix basse. Toutes ses forces s'usaient sur moi. Il parvint néanmoins à me traîner vers le canapé, me coucha, s'agenouilla sur mon dos, attendit de retrouver son souffle pour parler et dit « Enfin, enfin, le voilà étendu. » Qu'il essaie donc encore une fois, voulus-je dire. Mais il m'enfonça si violemment la tête dans le matelas dès le premier mot que force me fut de me taire. « Eh bien, dit la jeune fille. » Elle s'était assise à ma table et parcourait des yeux une lettre que j'avais commencée et laissée là. « Si nous partions tout de suite ?» Il vient juste de commencer une lettre. Il ne la continuera pas, même une fois que nous serons partis. Viens ici. Prends-le, là. Par exemple, à la cuisse. Tu vois ? Il tremble comme un animal malade. Je te dis de le laisser et de venir. De très mauvaise grâce, l'homme descendit de mon dos en rampant. J'aurais pu le rouer de coups à ce moment. J'étais complètement reposé, tandis qu'il avait dû contracter tous ses muscles pour me maintenir sur le dos. Il avait tremblé et avait cru que c'était moi. Il tremblait même encore. Il avait cru que c'était moi. Mais je le laissais tranquille, parce que la jeune fille était là. Là. « Je suppose que vous vous êtes déjà fait une opinion sur ce combat, » dis-je à la jeune fille. Je m'inclinais devant elle en passant et m'assis à la table pour continuer ma lettre. « Eh bien, quel est celui qui tremble ?» dis-je avant de commencer à écrire, tenant mon porte-plume droit en l'air pour prouver que ce n'était pas moi, pas moi. Quand ils furent à la porte, je leur criai un bref adieu tout en continuant à écrire. « Petite ruade, ce qui ne m'empêcha pas de lancer une petite ruade, afin d'esquisser, au moins pour moi, le genre de congé qu'ils eussent probablement mérité tous les deux. » Ouais! Accepte les augmentations des frais de télégraphe. Ouais! Oh, que cher aussi! Oh là, tiens, qu'est-ce qu'on aime faire, là? Les baisses d'impôts des riches! On t'a le sac à les coupeurs à l'aide sociale! Santé. Santé. Kumbaya, my lord, kumbaya. Quand ils coupent dans les programmes sociaux, qui demandent aux pauvres de travailler plus pour que les riches payent moins d'impôts, on se stache tous ensemble dans les bureaux de la loto. Puis on chante des beaux slogans, on est ben belle, on est ben beau. Et on reste pacifique. Oh oui, on reste pacifique. Quand ils nous demandent gentiment de partir, que les gardes nous approchent un peu pour pas que la situation empire, ils nous sifflent à l'oreille un doux avis d'éviction. Les policiers courent à l'appel pour faire leur job avec passion. Et nous on reste pacifique. Oh oui, on reste pacifique. Quand l'ancien meute rappelé pour nous protéger des méchants, ils tapent sur leur bouclier, ils sont pas bien tête avec nos slogans. Et on se met à genoux, les médias vont prendre des photos, fait qu'on fait des oreilles de lapin. On est rebelles, on est pas fins. On reste pacifique. Oh oui, on reste pacifique. Vu qu'on fait des signes d'épices, nous donnons du coin de cahier. On s'amuse, on est festif en citoyens et citoyennes. Et ils tabassent des militants, ils foutent toute leur violence. Ils les arrêtent arbitrairement pour avoir passé trois jours en dedans. Et nous on reste pacifique. Oh oui, on reste pacifique. Ils nous envoient des flashbombs qui nous explosent dans la gueule. Nos amis se font péter des membres, y'en a même un qui perd un œil. On dérange rien, de rien. On reste pacifique, on casse rien. On veut pas troubler l'opinion publique. On dérange rien, de rien. On reste pacifique, on casse rien. On veut pas troubler l'opinion publique. Quand ils flingueront un cégepien un peu trop idéaliste, on va peut-être se dire, mine de rien, qu'il serait temps qu'on réagisse. Parce que ça reste des hosties flics. Oh, des fils, des riches et des fascistes. Parce que ça reste des hosties flics. Oh, des fils, des riches et des fascistes. Des pavés et puis on brûle des champs. C'est bitch. Oh non, ils vont changer l'histoire. Bien dit. On bitch des pavés, yeah. Et puis on brûle des champs. Parce que on reste en beau calice. Oh oui, on reste en beau calice. Parce qu'on reste, on reste en beau calice. C'est une pièce de légitime violence dans ce bloc que je dédiais à nos chers étudiants, étudiantes en grève générale illimitée. Plus de 200 000 aujourd'hui. On a aussi entendu, ça c'était la pièce qui s'appelait Violence légitime mon œil. C'était, si vous n'avez pas compris les paroles, là, ça parlait de... C'est le fameux débat non-violence contre la violence. Et disons que Mise en demeure apportait une pierre à l'édifice de la construction du discours de l'argumentaire. Bon. Et vous l'interpréterez comme vous voulez. On a entendu un extrait du livre Le Combat de Kafka. L'interprète, je ne sais pas qui c'était. C'était vraiment quand même très chouette. Et on a entendu Romain Bouteille, Mes petits morts. Qui était Romain Bouteille? Une chanson quand même assez virulente contre la présence de l'État dans l'éducation publique. Ils vont multiplier les poires par le prix du lard. Combien de sang dans la baignoire noire pour faire un dollar? Acteur, chanteur, humoriste français. C'est un ami de Coluche. En 68, il a fondé avec lui le Café de la Gare. Et c'est un auteur de plus de 30 pièces de théâtre. Et ce que Coluche a dit de lui, ce qu'il ne m'a pas appris, je le lui ai piqué. Alors c'est dire à quel point l'influence de Romain Bouteille est importante sur Coluche. Tandis que Le Combat, qui est interprète, qui est quand même assez, un combat kafkaïen justement. Kafkaïen dans le sens de Franz Kafka. Écrivain pragois, donc polonais. Oui. Si je ne m'abuse. Ou autrichien. En tout cas. J'ai comme un autrichien, oui. Excusez-moi. Donc, oui, né à Prague. Franz Kafka s'est considéré comme l'un des acteurs, un des écrivains majeurs du 20e siècle, ni plus ni moins. Connu pour ses romans comme Le Procès, Le Château, et aussi pour La Métamorphose. Pour décrire Kafka en quelques mots, c'est assez simple. Atmosphère cauchemardesque, sinistre, la bureaucratie écrasante, une société impersonnelle, avec une emprise écrasante sur l'individu. Et on dit que ces romans sont reflètent les traits typiques de l'existentialisme. Le manque d'espoir, l'absurdité. Et il y a des gens qui ont senti l'influence du marxisme et de même de l'anarchisme dans son œuvre. Toujours au Cirque Aquatique Magique, à votre compagnie François Gécouillard. Allons écouter maintenant un bloc, juste pour le plaisir. It's impossible to tell the sun to leave the sky. It's just impossible. Impossible to ask a baby not to cry, just impossible. Can I hold you, oh, closer to me, and not feel you going through me? But the second I never think of you, oh, it's impossible. In the ocean, if rushing to the shore, it's just impossible. If I had you, could I ever opt for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I get it, but sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. And the ocean keeps on rushing to the shore. You made it, Fred. It's just impossible. Really made it with this one, boy. If I had love there. Just could I ever want for your hands, Freddy? It's just impossible. Just tear to pieces when they hear this. They got it. They must. Tomorrow. Oh, Freddy. Should you ask me for the world? Somehow I get it. Yeah, you got it, boy. Keep going. Keep going, boy. Very sore. Don't give up now. Please, Freddy. Come on. Ready. For to live without your love, just impossible. Yeah, it's impossible, Freddy. Just impossible. Yeah, impossible, Freddy. I thought I asked you to murder him, Fred. Didn't I ask you to murder it? Pourquoi le cirque c'est gratuit? Pourquoi c'est moi avec mes taxes qui paye un show? Le principe, c'est qu'on les amène avec la gratuité à Québec. Ouais. Rendu ici, on espère qu'on ait des retombées économiques parce que ces gens-là vont dépenser dans notre ville. Mais pour qu'ils dépensent dans notre ville, faut toujours bien que les commerces soient ouverts. Ben, ma sœur, c'est un peu c'est la base, hein? What's new? What's new? What's new? What's new? What's new? Say, I'm glad you asked, because we've got the really big news right here from Goodyear, and it's a five-star extra. Hey, what's new? Prime Wrap is new, new on the market, and all new for you. Prime Wrap is so new and so great, all the wraps are made out of bait. Hey, what's new? Prime Wrap is new. Chicken and pork chops and hamburger too. Prime Wrap is so new and so great. All the wraps are made out of date. Precision made so you would never guess that magic such as this could cost you less. And even more, it seals without a fuss. Take it from me. Take it from us. Hey, what's new? Prime Wrap is new. New on the market and waiting for you. Presenting with pleasure a product you'll treasure, but a treasure you'll find on the map. The season's new hit. Folks, this is it. The all-new Goodyear Prime Rap. Well, I think I'm going out of my head. Yes, I think I'm going out of my head. Over you. Over you. Over you. Over you. I want you to want me. I need you so badly. I can't think of anything but you. And I think I'm going out of my head, 'cause I can't explain the tears that I've shed. Over you. Over you. I see you each morning, but you just walk past me. You don't even know that I exist. Going out of my head. Over you. Out of my head. Over you. Out of my head. Day and night. Night and day and night. Wrong or right, I must think of a way into your heart. There's no reason why my being shy should keep us apart. Keep us apart. Going out of my head. Over you. Out of my head. Over you. Out of my head. Day and night. Night and day and night. Wrong or right. Night and day and night. And I think I'm going out of my que c'était bon ça, un petit bloc que j'ai intitulé Crush. On a entendu la pièce Going Out of My Head de Three Peas in a Pod, What's New de la compagnie Goodyear et It's Impossible de Freddie Barrett. Qu'est-ce que c'était que ça? Freddie Barrett de la chaîne de magasins Barrett's. C'est une chaîne de magasins aux États-Unis dans les années 70. Et Freddie Barrett, c'était le propriétaire de cette chaîne-là. Et il enregistrait ses propres publicités. Et ça donnait quelque chose de grandiose. On a pu entendre son interprétation de It's Impossible. Vous avez compris que c'était une joke. Mais la pièce Tie Wraps de Goodyear, ça n'était pas une joke. C'était une pièce qui parlait d'un trésor, d'un nouveau produit révolutionnaire, le Tie Wraps de Goodyear. Et oui, Goodyear a déjà fait dans sa vie des Tie Wraps. Des plastiques pour emballer ses viandes. Alors que le Three Peas in a Pod, c'est un band du Michigan, un band qui apparemment jouait dans les mariages et dans les endroits louches. Et quelque chose qui cloche dans ce groupe-là, c'est que tout est ce qu'on appelle en anglais off-key, c'est-à-dire pas tout à fait sur la note. Mais on aime ça comme ça. Ces derniers jours, on parle dans les médias de la nouvelle mosquée qui va ouvrir à Saint-Sauveur en face d'une église. Et là, il y a des gens de Saint-Sauveur qui sont absolument scandalisés et qui s'imaginent toutes sortes de choses terribles. Alors, on va écouter, pourquoi pas, un petit bloc d'interprétation par des chanteurs musulmans. Et c'est, attention, du punk islamique. Alors, du punk musulman. Et on va écouter la pièce Sharia Law in the USA du groupe de Cominas. Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1, voire de Radio Grenouille. L'hypothèse la plus plausible à l'heure actuelle avec tout ce qu'on a, c'est que c'est un fou d'Allah tout simplement. Il a crié. Il criait en tirant « Allah est grand ». Jean-Luc,

you've been saved. That treaty was from 1903. Before you boycotted the commies, to take your cars, your men, your lease. Back to the fucking USA, please. Hey, hey, hey, Guantanamo Bay. Hey, hey, hey, Guantanamo Bay. Hey, hey, hey, Guantanamo Bay. Et c'est ce qui conclut cette émission, cette nouvelle édition du Cirque Aquatique Magique. On vient d'entendre un bloc dédié au punk musulman de l'univers. Et on vient d'entendre la pièce Hey Hey Hey Guantanamo Bay de Secret Trial 5. On a aussi entendu Taleo V. Chumero de Noble Drew et Sharia Law in the USA de Cominas. Pas grand chose à dire de ces trois pièces-là, à part que ça vient d'une compilation faite par une agence sur un blog qui s'appelle Bodega Pop, téléchargeable gratuitement de sur Internet. Et ça a été compilé, ça a été regroupé ces chansons-là suite à ce que la personne qui appartient au blog ait vu le documentaire Taquacore, The Birth of Punk à Islam, qui serait un documentaire sur le punk musulman. Et on se laisse là-dessus avec une dernière pièce absolument extraordinaire qui s'appelle Nobody Wears a Frown in Tweakertown par Ellen et Dick Bouchard. Et c'était François Gécouillard qui vous dit à la semaine prochaine. Si vous voulez réécouter cette émission ainsi que toutes les autres, jeunefou.blogspot.com. Ciao, ciao. Tweakertown. Tweakertown.